les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous des âmes. Vous les anges adorables, et nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Dès que notre vous sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous désarment. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable.